32, exercice test, numération. Complétez les phrases que vous entendez. Écrivez en chiffres. 1. La mère de Mireille a 46 ans. 2. Son père a 51 ans. 3. Sa sœur Cécile a 23 ans. 4. Robert, lui, a 20 ans. 5. Sa mère a 44 ans. 6. Et son père a 57 ans.